Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur le meurtre du jeune Ilan Halimi dans le sud de la banlieue parisienne en février 2006. Cette affaire, vous la connaissez sûrement sous son nom d'emprunt, celui qui a le plus circulé dans la presse lorsqu'elle a été rendue publique pendant l'hiver 2006, celle du gang des barbares. Un voyage au bout du crime, celui d'un groupe d'individus originaires d'une même cité de la banlieue parisienne, sans foi ni loi, et dont le chef avait mis au point un plan diabolique. Enlever, séquestrer un jeune homme pour obtenir de sa famille une importante rançon. Une histoire tragique, épouvantable. Comme son épilogue, Ilan Halimi sera torturé avant d'être sauvagement assassiné. 24 jours d'enfer qui, à juste titre, ont soulevé beaucoup d'émotions en France. Avec un sentiment de dégoût, d'horreur face à la barbarie, la violence gratuite, l'argent facile et l'antisémitisme. Ilan Halimi était juif et c'est précisément ce qui a motivé ses ravisseurs. 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'un jeune homme ait pu être tué parce qu'il était juif, a laissé et laissera dans ce pays une trace indélébile. Un drame qui vient également en écho au fait d'antisémitisme qui connaissent une recrudescence. Aujourd'hui en France, l'actualité nous le rappelle tous les jours ou presque. C'est l'une des histoires, en tout cas les plus tragiques, que nous vous aurons racontées depuis le début d'Affaires Sensibles en août 2014. Mais une émission peut être aussi mission, pour ne pas oublier tirer la sonnette d'alarme par l'exposé des faits d'abord. Une croix gammée sur le portrait de Simone Veil, le mot Juden sur la vitrine d'un magasin à Paris et des tombes juives profanées en Alsace, tout cela il y a quelques jours ou quelques semaines et qui nous montre que lorsque le monstre antisémite semble endormi, il ne dort que d'un œil. Notre invité aujourd'hui, le philosophe Alain Finkielkraut, le sait mieux que personne, lui qui a été l'objet d'insultes antisémites le samedi 16 février dernier, lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, quartier Montparnasse. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 13 février 2006, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, département de l'Essonne. En cette matinée d'hiver, il règne dans les rues de la commune un silence de plomb que seuls les bourrasques de vent froid viennent interrompre par à coup. Sur la départementale 25, une voie à double sens située en contrebas le long de la voie de chemin de fer qui traverse la commune, une automobiliste est intriguée par la présence d'un corps qui semble être accroupi juste derrière le grillage qui protège l'accès aux rails. Elle appelle aussitôt la police. À 8h30, une patrouille avertie par radio se rend sur place. À bord du véhicule, les deux gardiens de la paix remontent la route à faible allure, scrutant le bas-côté d'un œil attentif. Mais très vite, ils doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a rien d'autre que des branches, du feuillage, du bois mort, autrement dit, rien d'anormal. Les policiers rappellent aussitôt le central, qui lui-même rappelle la conductrice. Mais celle-ci confirme, et elle confirme avec force ce qu'elle a vu. Alors les policiers font demi-tour, redoublant d'attention sur le moindre élément qui pourrait être suspect, là, sur l'accotement. Quelques centaines de mètres plus loin, à leur grande stupéfaction, un peu en hauteur de la route, contre le grillage vert qui empêche l'accès aux rails, coincé au pied d'un talus, un corps est là. Les deux policiers descendent de leur véhicule pour continuer à pied. L'un d'eux raconte la suite. De la route, on distinguait une fesse, une jambe et le dos d'un individu qui semblait être allongé sur le côté droit. En nous approchant, on a découvert que la personne prostrée était gravement brûlée. Sa peau pelée sur tout l'arrière du corps. De prime abord, il nous a semblé que c'était un homme d'une trentaine d'années, voire moins, de type européen. Il était dans un sale état. Le plus étonnant est qu'il avait les deux mains menottées devant lui. Mais aussi un bâillon de scotch au niveau du cou et un au niveau du front, comme si on lui avait recouvert la tête de ruban adhésif. Son crâne, lui, était rasé avec des cicatrices apparentes et une entaille importante juste en dessous du cou. Comme il ne bougeait pas, on a pensé qu'il était mort, et puis mon collègue s'est approché en escaladant le petit muret et a constaté qu'il respirait encore, faiblement. À notre contact, il est devenu soudain agité, il gémissait, il était en état de choc. On n'arrivait pas à y croire. Je me suis alors précipitée à la voiture pour demander qu'on nous envoie les secours. arrivée dans les minutes qui suivent, les pompiers ne peuvent que constater l'état critique dans lequel se trouve le jeune homme. Ils lui prodiguent les premiers soins, puis tentent de le transporter en urgence vers l'hôpital Cochin, dans l'unité réservée aux grands brûlés. En vain. L'homme, dont le cœur a déjà cessé de battre plusieurs fois, vacille tel un funambule qui se prépare à tomber, courageux mais déjà perdu dans sa chute. À son arrivée à l'hôpital, à midi, on ne peut que constater sa mort. L'autopsie du corps révèle immédiatement que la victime a subi de multiples traumatismes, ecchymoses, éraflures, coupures profondes et surtout des brûlures superficielles et profondes sur près de 60% du corps. Des brûlures qui sont pour les médecins la cause certaine de la mort du jeune homme. Puis on relève les mesures et les caractéristiques du corps, 1m71, 65 kg, ses os sont ceux d'un jeune d'une vingtaine d'années. Malgré une tête défigurée, on distingue encore ses yeux marrons. Des policiers de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire, se présentent au centre de médecine légale d'Evry, où a été rapatrié le corps. Ils emportent avec eux des échantillons d'ADN pour une comparaison génétique, dans le cadre d'une affaire sur laquelle ils enquêtent, celle d'un jeune homme enlevé à Paris, séquestré depuis le 21 janvier, et dont on recherche toujours activement la trace. Le lendemain, le résultat des analyses ADN arrive. Le corps retrouvé est bien celui d'un jeune du nom d'Ilan Halimi, celui précisément que recherchent les hommes du 36. Ici s'écrit de façon lugubre la fin de 24 jours de traque, 24 jours d'espoir et 24 jours de calvaire pour la famille Halimi et aussi pour le 36 quai des Orfèvres, d'une certaine manière. Tout a commencé dans la nuit du 20 au 21 janvier à Paris. Ilan Halimi, 23 ans, vendeur dans une boutique de téléphonie mobile à Paris, disparaît avant que sa famille ne reçoive, le lendemain, des messages menaçants par mail pour obtenir une importante rançon. Contacté par les parents, les policiers de la brigade criminelle située au 36 quai des Orfèvres mettent sur pied une petite cellule opérationnelle composée de deux négociateurs et d'une psychologue pour accompagner le père de la famille dans ses pourparlers avec les ravisseurs. Une cinquantaine d'entre eux appartenant à la crime sont mobilisés sur cette affaire. Le but étant de retrouver Ilan et de mettre ses kidnappeurs hors d'état de nuire. Mais les policiers vont très vite déchanter. Après plusieurs jours d'investigation, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils ont mis les pieds dans une affaire qui ne ressemble à aucune autre. Hors norme, comme on dit. Oui, hors norme. Par les revendications financières des ravisseurs, complètement démesurées au vu de la condition sociale de leur otage. Ilan est un jeune vendeur de téléphone, sans économie. Ses parents, divorcés, n'ont pas de patrimoine. Hors norme aussi, par la violence verbale et le harcèlement des ravisseurs. Près de 40 appels par jour en moyenne, provenant de cabines téléphoniques disséminées un peu partout dans Paris. Au total, ce ne sont pas moins de 700 échanges avec les ravisseurs que les policiers vont enregistrer en l'espace de 24 jours. Il y a aussi ces photos envoyées par mail sur lesquelles l'on voit Ilan être torturé. Il s'agit de convaincre les parents de payer la rançon. Hors norme, enfin, le scénario de la capture d'Ilan. Une méthode que le groupe de ravisseurs avait déjà tenté de mettre en œuvre, mais sans parvenir à ses fins, comme l'explique le journaliste de France Inter, Sébastien Logénie. Une jolie blonde, les cheveux mi-longs, au visage fin, mesurant près d'1m65, c'est le portrait robot d'une des trois jeunes filles qui sert d'appât à ce groupe de kidnappeurs. L'approche se fait toujours de la même façon, par la séduction. Une jolie jeune fille aborde un jeune homme, ou l'inverse. Le profil des victimes, en revanche, est à chaque fois différent. Vendeur, commerçant, producteur ou maquettiste. La première tentative recensée par la criminelle remonte au mois de décembre. Un jeune vendeur est abordé dans un magasin, mais lui a refusé les avances de la jeune fille. Puis c'est au tour d'un père de famille, dont le fils est producteur de disques. La fille, cette fois, se fait passer pour une chanteuse. Elle appelle au domicile du père qui finit par accepter une rencontre. Il se retrouvera kidnappé dans un parking par au moins trois hommes et ne doit son salut qu'à des passants. La dernière victime n'aura pas cette chance. Il disparaît le 21 janvier dernier. Quelques jours plus tôt, ce vendeur de portable est abordé par une jolie maghrébine, là aussi dans son magasin. Pendant les trois semaines de sa séquestration, les ravisseurs vont sans cesse changer de revendication, passant de 450 000 à 100 000 euros de rançon, passant de la place du Châtelet à Bruxelles pour la remise de rançon. Rendez-vous à chaque fois avorté. Et cette dernière victime, c'est Ilan Halimi. Après presque deux semaines de négociations et une dernière tentative d'entrevue encore une fois avortée, les policiers conseillent au père d'Ilan de couper toute communication avec les ravisseurs, espérant que ceux-ci vont se décider à relâcher le jeune homme. Mais pour toute réponse, le gang de kidnappeurs va frapper, torturer et tenter de tuer son otage. Ainsi, ce 13 février, lorsqu'on retrouve le corps d'Ilan Halimi, l'affaire prend une toute autre dimension. Il s'agit désormais d'un meurtre, froid, abject. Les policiers du 36 ont très peu d'éléments pour tenter d'identifier le groupe de kidnappeurs, comme le relève le procureur ou journaliste. Il y a une photo, certes, celle d'un homme de type africain, vêtu d'un survêtement, le visage masqué par une écharpe. Il se rend dans le cybercafé pour y envoyer un mail au père d'Ilan. Puis il y a le portrait robot d'une des filles qui a déjà joué par le passé le rôle d'appa pour le groupe. Mais finalement, pas grand-chose pour la police, à première vue. À première vue seulement. Car en vérité, cette étape de l'enquête va se révéler décisive pour la suite. En effet, le lendemain matin, une jeune femme blonde, répondant au prénom d'Audrey, et dont la description correspond au portrait robot, se rend d'elle-même au commissariat de Montrouge. Face aux policiers, elle se met à table. Elle raconte toute l'histoire. Oui, elle est bien la fille sur le portrait robot. Oui, elle a fait partie de ce groupe d'individus que recherche la police. Puis elle s'explique. C'est son petit ami qui l'a recrutée. Bon, sa mission était simple. Séduire des hommes dans les boutiques du boulevard Voltaire, les amener dans un lieu déterminé où ils seraient enlevés en échange d'une rançon. Seulement, après deux essais infructueux de séduction, elle est remerciée par le groupe. Elle ajoute que ce qu'elle cherchait, selon ses propres mots, c'était un plan thune pour se faire un peu d'argent, et vice-versa, rien d'autre. Dans les heures qui suivent, son petit ami est interpellé. Il avoue avoir été le geôlier d'Ilan Halimi, et il balance tous ses complices, dont leur chef. Le 17 février, à la cité du Tertre de Bagneux, à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale, les policiers du 36, accompagnés de renforts des unités spéciales du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, font une descente et interpellent 13 personnes âgées de 17 à 32 ans. Elles sont toutes placées en garde à vue. C'est un petit groupe très hétéroclite, mais très organisé, comme l'explique le procureur de la République, Jean-Claude Marin. Ce que l'on sait, c'est qu'il semble qu'il y ait eu dans ce groupe au moins trois tâches assignées à des membres différents. Il y avait les APA, c'est la jeune femme, qui était chargée donc d'attirer les cibles potentielles dans un traquenard. Il y avait un groupe qui était chargé de l'enlèvement, à proprement parler. Il y avait ensuite les geôliers, qui étaient sans doute le groupe le plus nombreux, puisqu'ils ont dû se relayer pendant les 24 jours. Et puis, un, deux, ou peut-être davantage, individus chargés des contacts avec la famille et de l'envoi des SMS et de l'envoi des demandes de rançon. Le profil de celui que nous recherchons activement et qui se fait appeler le chef des barbares dans sa cité est un profil inquiétant. C'est un profil d'un garçon d'une extrême violence, spontanée et gratuite, d'un garçon qui n'a aucune limite, aucun frein. C'est donc quelqu'un de potentiellement très dangereux. Et l'homme dont parle le procureur Marin, qui se fait appeler le chef des barbares, répond en réalité au nom de Youssouf Fofana. Il s'agit d'un franco-ivoirien de 25 ans, dont le procureur présente face aux caméras une photo récupérée lors des perquisitions. On peut y apercevoir cet homme, de grand gabarit, crâne rasé, léger collier de barbe. Puis le procureur de la République ajoute qu'à la vue des premières auditions, c'est bien l'argent qui semble être le mobile de cette affaire. De leur côté, les policiers du 36 reconstituent au fil des interrogatoires le puzzle de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi. Et leur priorité est bien évidemment de débusquer Fofana, animal sanguinaire en cavale, devenu l'ennemi public numéro un, une traque qui, on va le voir, les fera voyager. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing to? People like you. A woman in a bath of $100 bills. scene that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing them to? Mardi 21 février 2006, Paris, Assemblée nationale, séance de questions au gouvernement. Il est 14h45. Dans la salle des pas perdus, au cœur du Palais Bourbon, plusieurs députés conversent. Les mines sont graves. Voilà une semaine en effet que l'affaire de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi fait la une. Et le principal suspect dans l'affaire, Youssouf Fofana, est toujours activement recherché. Mais ce qui nourrit maintenant le débat, ce sont les motivations qui ont poussé à un tel crime. Il se trouve que la veille, lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, avait jeté un pavé dans la mare en affirmant que le meurtre d'Ilan Halimi aurait été guidé par le spectre de l'antisémitisme. Quelques minutes plus tard, interrogé à ce sujet dans l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, confirme, et c'est avec une force réelle qu'il confie son sentiment. La vérité, c'est d'abord que 6 personnes ont été approchées, entre guillemets, pour faire l'objet d'une tentative d'enlèvement. Sur les 6 personnes, la vérité, c'est que 4 étaient de confession juive. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction, entre guillemets, que les juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame. Et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Cette vérité, me semble-t-il, ne doit susciter ni amalgame, ni haine, ni crainte. Parce qu'il ne manquerait plus qu'en plus de la barbarie, il y ait l'incompréhension, l'intolérance et le racisme. Et le ministre de l'Intérieur ajoute que des documents de propagande, certains pro-palestiniens et d'autres à caractère salafiste, comprenez ici des écrits manifestes d'un islam radical, ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des individus soupçonnés. Certes, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur s'appuient tous deux sur le fait que la juge d'instruction en charge de l'affaire a retenu la circonstance aggravante de crimes commis en raison de l'appartenance à une religion. Mais pour l'instant, la justice n'a pas délibéré sur cette question. La classe politique, au contraire, met en avant le caractère antisémite indéniable, selon elle, de cette affaire. Ainsi, en fin d'après-midi, une délégation du CRIF, accompagnée du beau-frère d'Ilan Halimi, est reçue place Beauvau par Nicolas Sarkozy, qui leur expose les avancées de l'enquête. À la sortie de cette rencontre, Serge Klarsfeld, présent au titre de conseiller du président du CRIF, s'exprime au micro de France Inter. Pour lui, la nature du meurtre du jeune Ilan ne fait aucun doute. Du point de vue du ministre, comme du point de vue de ceux qui l'ont écouté, c'est un acte qui est tout à fait antisémite, sans aucune réserve là-dessus. L'association du cliché riche et juif suffit. Hein, quand le Moujik tuait les juifs il y a 100 ans, c'était un acte antisémite. Quand pour des raisons diverses, les nazis tuaient des juifs, c'était un acte antisémite. Quand les gens se taisent alors qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'ils se taisent parce que c'est un juif, c'est de l'antisémitisme. Donc il n'y a pas de doute... là-dessus, et il faudrait savoir si la gangrène est profonde et si elle est générale, ou bien si dans les cités en tout cas, ou si c'est limite. En tout cas, c'est je veux dire, par rapport à Carpentras où c'était un mort qu'on avait déterré, ici c'est un vivant qu'on a envoyé dans la tombe. Au même moment, bien loin des démarches partisanes, de l'agitation médiatique et politique, les policiers du 36 sont toujours à pied d'œuvre pour arrêter Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares. Et ils sont près du but. Persuadés que Fofana se cache en Côte d'Ivoire, deux policiers de la brigade criminelle sont sur place depuis plusieurs jours. Ils diffusent le portrait du fugitif dans tous les commissariats locaux et surtout au niveau des zones de transit, aéroports, ports, gares routières. Ils rencontrent aussi leurs homologues de la police judiciaire ivoirienne pour que tout soit mobilisé. Et dans la nuit du 22 au 23 février, on apprend que Youssouf Fofana a été arrêté lors d'un banal contrôle routier effectué par la police dans un quartier populaire d'Abidjan. L'individu a été confondu par son signalement sur l'avis de recherche. Sur place, Hervé Bras de l'AFP raconte l'arrestation et les premières heures d'interrogatoire de celui qui était jusqu'alors l'homme le plus recherché de France. Il a été conduit immédiatement dans les locaux de la police judiciaire, en centre-ville d'Abidjan, et là, son audition a commencé aux environs de 2h du matin par les enquêteurs français. Apparemment, selon des policiers ivoiriens qui ont pu assister à l'interrogatoire, il est au début agité et peu coopératif. Et puis, il a flanché, visiblement, pour deux raisons, hein, parce que la police ivoirienne menaçait d'accuser de complicité les personnes avec lesquelles il était arrêté. Et une jeune femme qui figurait parmi les personnes avec lesquelles il était arrêté a faim un moment de crier. Ils l'ont mis sous les fenêtres de la pièce où était Fofana. Elle a fait semblant de crier à l'initiative des inspecteurs ivoiriens. Et visiblement, ça a perturbé Youssouf Fofana, qui a flanché et s'est mis à table. Il reconnaît avoir mis la victime dans sa voiture, être allé dans les bois, où il a reconnu l'avoir tué. Effectivement, il aurait même employé le mot de égorger avant de revenir sur ce thème. Puis voilà. Face aux policiers français, Fofana répète cet incroyable aveu. Il ne comprend pas pourquoi la famille n'a pas payé. Puis il explique que cette idée, celle d'un enlèvement, il l'a eue lors de son premier passage en prison en 2005, quand il était incarcéré pour vol à main armée. C'est en sortant qu'il a décidé de constituer une équipe qui pourrait monter le coup. Il explique avoir recruté des jeunes et jolies filles dans sa cité de Bagneux pour appâter les victimes et des garçons pour faire les geôliers. Et là, il explique qu'il n'a pas choisi un juif par hasard, car c'est une communauté qui a de l'argent et qui est solidaire, dit-il. Juif, donc riche. L'amalgame s'est logé dans l'esprit de Youssouf Fofana, comme dans d'autres, hélas. Oui, Fofana voulait de l'argent. Oui, il pensait que les juifs en avaient, et donc il s'est attaqué à eux. Dans le dictionnaire, au présent comme au passé, cela s'appelle antisémitisme. Dans son éditorial de la première semaine de mars pour Le Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin livre une interprétation lourde de sens sur la situation. Il écrit « Certes, le crime du gang des barbares n'est pas que raciste, il est avant tout financier, mais devons-nous attendre pour nous émouvoir qu'un crime soit labellisé à 100% antisémite ? 60 ans plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont dénoncé les Juifs pour leur prendre leur appartement. Tout le monde disait alors que l'argent était le vrai mobile. » Mais qui peut honnêtement croire que sous Vichy, quelqu'un les aurait accusés d'antisémitisme ? Et Laurent Geoffrin conclut de façon laconique « Ces ergotages ont un résultat principal, faire oublier la montée générale du racisme dans les banlieues françaises, dont l'antisémitisme est l'une des manifestations les plus préoccupantes. » Pendant ce temps, à Abidjan, les interrogatoires se succèdent pour Youssouf Fofana. Et ce dernier se montre de plus en plus désinvolte dans les réponses qu'il lance aux policiers, un peu comme s'il ne semblait pas conscient de la gravité de sa situation et des accusations de torture et de meurtre qui planent sur lui. Une désinvolture que l'on retrouve dans cette étonnante entrevue qu'il accorde à un correspondant de la chaîne iTélé dans les bureaux de la police judiciaire ivoirienne. Racontez-nous l'enlèvement de Ilan. L'enlèvement, il a été fait à des fins financières. Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille d'Ilan ? Que leur enfant ne s'est pas tué. Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère ? J'ai pas de mots à dire à ma mère. Vous pourquoi votre gang se fait appeler ici à vous barbares? Le gang des barbares. Le gang des barbares. C'est un gang, c'est un grand mot. Et le gang des barbares, je pense que c'est par rapport à la violence. La violence, et en fait, le gang des barbares, moi je pense que personnellement, c'est une victimisation d'une situation qui est déjà déplorable. Je sais que si la guillotine serait là, je pense que c'est possible qu'on aurait pu la suggérer pour moi. À ce moment-là, Fofana est persuadé qu'en revendiquant sa nationalité ivoirienne, il va s'en sortir, qu'il va pouvoir échapper à une possible extradition. Seulement, du côté de la présidence à Abidjan, Laurent Gbagbo ne souhaite pas froisser Paris et autorise donc les policiers français à ramener Fofana rapidement en France où il pourra y être jugé. Le lendemain à Paris, dans la synagogue de la rue de la Victoire, a lieu une cérémonie de recueillement à la mémoire d'Ilan Halimi. Elle restera jamais marquée par l'union sacrée de toute la classe politique et de la population face à un meurtre au caractère antisémite. Le chef de l'État en personne, Jacques Chirac, est arrivé avec un chapeau noir sur la tête, accompagné de son premier ministre Dominique de Villepin qui lui porte une kippa. Ils ont fait le déplacement, ils pénètrent dans la synagogue. Dans l'assemblée, on retrouve également des membres du gouvernement, mais aussi d'autres personnalités telles que Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn ou encore François Bayrou, ainsi que le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, et même Monseigneur 23 pour l'Église catholique. Tous assistent à la cérémonie du Kaddish, la prière des morts, dans un silence qui n'est interrompu que par les pleurs et les larmes de la famille et des amis du jeune Ilan. Dans les rues adjacentes, agglutinées derrière des barrières, plusieurs centaines de personnes, juives ou non, se sont rassemblées pour montrer leur solidarité à la famille d'Ilan. En fin d'après-midi, Florence Paracuelos de France Inter s'entretient par téléphone pendant quelques minutes avec Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Je me dis que Ilan, mon fils, ne sera pas mort pour rien et que de toute façon, il va veiller à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et qu'il y ait surtout une justice appropriée aux monstruosités qu'ils lui ont fait, qu'ils ont fait à un jeune homme de 23 ans qui n'avait demandé qu'à vivre. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement de votre côté de savoir que... Écoutez, je vais vous dire, madame, tous autant qu'ils sont, que ce soit des filles ou des geôliers ou de ceux qui ont joué un rôle quelconque, ils sont tous autant coupables. Il est évident que ce Fofana est quelqu'un de très dangereux et qu'il faut qu'il soit naturellement... qu'il y ait une justice à son encontre à la mesure de ce qu'il a fait. Eh bien, cette justice interviendra 3 ans plus tard lorsque s'ouvrira le grand procès de l'horreur, celui du meurtre d'Ilan Halimi. Paris, cour d'assises spéciale pour mineurs, 29 avril 2009. C'est dans un climat évidemment tendu que s'ouvre le procès sur l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat d'Ilan Halimi. Les débats se tiennent à huis clos vu l'aspect sensible du dossier. Dans la salle d'audience et surtout à l'extérieur, dans les couloirs du palais, malgré un nombre de gendarmes considérable, l'ambiance est électrique. Il faut dire que ce procès est évidemment celui d'un enlèvement et d'un meurtre odieux, mais il est aussi celui de l'omerta dans les cités. Oui, une loi des silences qui a probablement contribué au forfait des kidnappeurs. Enfin, ce procès est également celui de l'antisémitisme et beaucoup attendent de la cour qu'elle tranche sur ce sujet. Dans le box des accusés, ils sont 27, 18 garçons et 9 filles, des blancs, des blacks, des beurs, d'origine africaine, maghrébine, iranienne, portugaise. Tous ont en commun le fait d'être français et d'habiter dans la même cité de Bagneux. Parmi eux, on retrouve les auteurs du rapt, les geôliers, les appâts, les logisticiens et tous ceux qui étaient au courant, comme le père d'un des ravisseurs ou le gardien de l'immeuble qui a prêté l'appartement où se sont déroulés les sévices. Tous se sont tus. Mais celui sur lequel tous les regards se tournent, c'est bien sûr le cerveau des barbares, si je puis dire. Youssouf Fofana, celui qu'on a traqué jusqu'en Côte d'Ivoire et qui se retrouve désormais assis sur le banc des accusés derrière une paroi de verre. D'emblée, l'ancien ennemi public numéro 1 affiche la couleur en criant dans la salle « Allah vaincra !» défiant les juges et l'assistance qui le regardent médusés. Puis quand on lui demande la date date et lieu de naissance, il réplique 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sa date de naissance, il la fait correspondre à la date et au lieu de la mort d'Ilan Halimi. Quelle est donc cette bête qui n'a aucune limite sociale? Pour les proches d'Ilan Halimi, c'en est trop. Le président est obligé de taper du marteau sur la table pour calmer l'assemblée. Le principal accusé continue d'asséner ses propos antisémites et révèle enfin sa vraie personnalité, prouvant un peu plus que le costume qu'on veut lui faire porter, celui du tueur d'un juif, lui va comme un gant. Puis, lors des jours qui vont suivre, les révélations vont se succéder, choquer un peu plus tous ceux qui sont présents dans la salle d'audience. On apprend ainsi par l'un des co-accusés les conditions de détention d'Ilan. Nu, la tête entourée de rubans adhésifs d'emballage, avec un seul petit espace vide au niveau de la bouche pour respirer, et y laisser passer une paille qui servait à le nourrir. Il a passé 24 jours enfermé dans un appartement de la cité, puis dans une cave, où il a été passé à tabac plusieurs fois par ses geôliers qui trouvaient le temps long. Victime aussi d'un lynchage régulier, à coups de cutter. Puis l'ancien geôlier raconte... Tout s'est terminé le soir où Fofana est venu le chercher. Il l'a mis dans le coffre de sa voiture et l'a emmené. Il m'a expliqué par la suite, dit le co-accusé, qu'il l'avait conduit dans les bois, dans les Yvelines, qu'il l'avait sorti du coffre, lui avait tranché la gorge et l'avait aspergé de white spirit avant de l'incendier sur place. Il m'a dit « ça a fait une grande flamme » et je suis parti. L'assemblée choquée, la famille Halimi effondrée. Elle le sera encore plus en apprenant de la bouche d'une des policières de la brigade scientifique que Ilan n'est pas mort à l'endroit précis où Fofana l'a incendié. Non. Il est mort 167 mètres plus loin. Dans ses derniers espoirs de survie, malgré des entailles profondes, de graves brûlures sur plus de 60% du corps, il a rampé et s'est traîné comme il a pu, traversant même les voies de RER, avant de s'effondrer définitivement de l'autre côté, contre le grillage, là où les policiers l'ont retrouvé. Comble de l'horreur, les policiers, à leur tour appelés à la barre, expliquent que Youssouf Fofana continuait de harceler, de menacer de mort le père d'Ilan par téléphone après que le jeune homme a été retrouvé le long de la voie de chemin de fer. Trois mois plus tard, le verdict tombe dans ce procès de l'horreur. Il est sans nuance, Fofana, capable des pires inhumanités, est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. De leur côté, 23 de ses principaux complices sont également condamnés à de lourdes peines. Certains feront appel, tout comme le parquet sur sollicitation de la garde des Sceaux, comme si finalement il n'y avait pas de verdict suffisamment lourd pour condamner les auteurs de cet acte abominable. Mais de ce procès, au-delà des faits et des responsabilités, on retient aussi les révélations sur les faillites de notre société, hyperviolence des bandes, cité déshumanisée, culture de la haine, banalisation de l'antisémitisme. Aujourd'hui, 9 ans après les faits, Ilan Halimi aurait eu 32 ans. On peut s'imaginer qu'il se serait probablement marié, devenu père de famille, marié avec sa compagne Stéphanie, lui qui aimait tant les enfants. Aujourd'hui et chaque jour, sans le savoir, ce sont des dizaines d'enfants et d'autres plus grands qui foulent ce jardin du 12e arrondissement de Paris, qui porte désormais son nom, celui d'Ilan Halimi, victime de l'antisémitisme, de la haine et des préjugés en France en 2006. A tale best or something wanna make believe maybe impossible to achieve and really close. Who said little man who rises on the stage. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le meurtre d'Ilan Halimi en 2006. Si vous avez pris cette émission dès le début, je vous ai annoncé Alain Finkielkraut comme invité de ce numéro d'Affaires Sensibles. Nous n'avons pas de nouvelles du philosophe, peut-être bloqué à Paris. En tout cas, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. La formule est éculée, mais elle est en l'occurrence réalité au moment où je vous parle. Nous allons donc écouter l'interview que nous avions diffusée lors de la première diffusion de ce numéro d'Affaires Sensibles, la journaliste Elsa Vigoureux, reporter à l'Obs. France Inter, Affaires Sensibles. Bonjour Elsa Vigoureux. Bonjour. Vous êtes notre invitée, vous êtes reporter au Nouvel Obs, où vous couvrez les affaires criminelles et vous avez suivi au quotidien le procès du gang des barbares. Vous en avez tiré un livre, L'affaire du gang des barbares, paru en 2010 chez Flammarion. J'imagine assez aisément pourquoi vous avez écrit ce livre, parce que cette affaire est quand même assez hors norme. Elle nous touche, elle nous interpelle, elle nous marque. Est-ce que c'est pour vous le crime d'une hyperviolence grandissante dans les banlieues, ou est-ce que c'est vraiment une affaire à part ? Pour moi, c'est vraiment une affaire à part. Je connais bien le terrain des banlieues. C'est une affaire à part qui est quand même une affaire de banlieue, parce que elle tient sur une organisation qui est vraiment propre au quartier. Mais c'est quand même l'affaire d'un homme, c'est-à-dire Youssouf Fofana, qui est un criminel hors norme et sans lequel tout ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Voilà. Et comment est-il arrivé à commettre ce crime monté, tout ce mode opératoire avec femmes qui servaient d'appât? Ce qui est très particulier chez Youssouf Fofana, c'est sa manière d'organiser les choses. Il n'a pas convoqué tout le monde et expliqué à tout le monde quel était son projet. Il a isolé des groupes de gens qui pourraient agir dans son intérêt, mais sans leur expliquer quel était le but poursuivi. C'est-à-dire que il s'est adressé à des filles pour devenir appât, il s'est adressé à des geôliers pour être geôlier. Il y a les personnes qui ont commis le rapt sont encore des personnes différentes, et ces gens-là sont pas tous en lien les uns les autres, ou quand ils le sont, en tout cas, ils ne s'interrogent pas les uns les autres sur ce qu'ils font. Je veux dire par là que Youssouf Fofana, s'il avait un talent entre guillemets, c'était bien celui-là, manipulateur. Ouais, enfin ça va au-delà. Non, manipulateur ailleurs qu'en banlieue, je pense que il aurait peut-être eu des difficultés, et d'ailleurs il en avait. Je pense que la banlieue pour lui a été le terreau de sa réussite criminelle, c'est-à-dire que c'est un garçon qui, s'il a un talent, donc c'est bien celui-là, c'est de humer les vulnérabilités chez les gens qui se trouvent autour de lui. Il a, s'il faut un peu raconter son enfance, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'amis, un petit garçon qui a grandi dans une solitude assez importante et qui en a souffert beaucoup, un petit garçon qui s'est révélé avoir des problèmes de langage très tôt, qui a été très couvé par sa maman jusqu'à l'arrivée d'un petit frère handicapé. Donc elle a dû un peu le délaisser. Les psychiatres qui l'avaient expertisé à l'époque à des fins judiciaires notaient que ce ce moment où il a eu un petit frère handicapé aurait été une frustration intolérable pour lui, puisque sa maman a reporté son affection sur le petit frère. Enfin bon, ce qui ne constitue pas une excuse, mais enfin bon, ça fait partie de son parcours. Et cet enfant, donc, qui a grandi dans une certaine solitude et qui avait du mal à s'intégrer à l'école, qui était bègue, donc qui avait un retard de langage, puis ensuite qui a développé un bégaiement. Dans le dossier, des instituteurs ont été interrogés, des enseignants du collège, même des amis de classe. On voit bien que c'est un enfant extrêmement isolé, qui n'arrive pas à avoir d'amis, et même, et c'est dit dans le dossier, un enfant qui ne marque pas, dont on ne se souvient pas, en fait. Ouais. Et en fait, ça, Fofana en souffre pas mal. Il en développe une espèce de haine de l'autre, parce qu'il n'arrive pas, en fait, à entrer en contact avec les autres et tout. Il a assez peu d'affect. Et à un moment donné, il y a une rupture qui se fait dans sa vie. À l'âge de 14 ans, ses parents décident de déménager de Paris, parce que, oui. Ses parents décident de déménager de Paris, ils vivaient entassés dans un petit appartement. Il y avait 7 enfants, 2 parents qui travaillaient beaucoup, les toilettes sur le palier. Bon, bref. Donc, ils décident de déménager et ils s'en vont précisément à Bagneux. Et là, à Bagneux, il y a de la place pour vivre. Et moi, il y a un moment où il y a une rupture, quand même, une rupture dans elle son comportement. Elle se fait là, dans cette vie parisienne où il n'arrivait pas du tout à s'intégrer et à devenir quelqu'un au sein d'un groupe. En banlieue, là, il a largement de quoi se développer au milieu d'un groupe, c'est-à-dire. Voilà. Et donc, il développe une hyper délinquance. Hein. Il est donc intéressé aussi par l'argent. Alors, on verra la dimension antisémite du crime. Ensuite, je voudrais juste rappeler qu'il a tenté de racketter plusieurs personnalités françaises, parmi elles l'avocat Joseph Cohen-Saban, le PDG d'Arte Jérôme Clément, ou encore Ronny Broman, le président de Médecins Sans Frontières, qu'on va écouter ensemble. Il va nous raconter les menaces qu'il a subies. Une enveloppe était dans ma boîte aux lettres, qui contenait à la fois une lettre me menaçant de mort, me réclamant l'impôt révolutionnaire, puisque cette lettre était signée d'Armata Corsa, et on me demandait de verser plus de 300 000 euros. Et quelques mois plus tard, à peu près même épisode, les mêmes mêmes formes, même lettre, même enveloppe, mais cette fois-ci accompagné d'un coup de feu dans mon portail et d'un jet de 2 cocktails Molotov dans la cour de ma maison. Alors Nicolas Sarkozy, je crois, c'est dans le récit, rappelé que parmi les personnes menacées et raquettées par Fofana, il y avait une majorité de personnes juives. J'en arrive à la question, la dimension antisémite de ce crime, elle est claire, évidente. Elle est plus que claire, elle est revendiquée. La dimension du crime, la dimension antisémite du crime est revendiquée par Fofana au moment même de son arrestation. Et vous souvenez pourtant du débat que ça avait C'est-à-dire qu'on a parlé du gang des barbares et on a considéré que c'était une chaîne de personnes, une trentaine de personnes, tous liés autour d'un projet antisémite, ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas exact. C'est-à-dire que ces personnes-là n'étaient pas toutes mues par l'antisémitisme. Bien au contraire. Et il y a de nombreuses personnes, notamment les APA, et parmi les geôliers, quelques-uns aussi qui ne connaissaient pas le projet criminel de Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, en fait, les seules choses qu'il avait dites à certains d'entre ses adjoints dans cette affaire, c'était qu'il voulait soutirer de l'argent aux Juifs. Oui, parce qu'il avait fait l'amalgame, il s'est dit juif égale argent. Mais lui-même ne savait pas qu'il allait tuer Ilan Halimi. Il a tué Ilan Halimi parce qu'il a tout raté. Parce que c'est quelqu'un qui rate tout. Donc il a fini par le tuer. Ensuite, Youssouf Fofana, Youssouf Fofana développe de toute façon des thèses antisémites depuis le début. Youssouf Fofana veut de l'argent. Il est en banlieue. Il cherche à devenir quelqu'un. Il a compris que, en banlieue, s'il se la raconte un petit peu, genre, je suis un voyou à la Messrine, il risque d'avoir des amis et du monde autour de lui, d'être tout à coup regardé, aimé, peut-être admiré. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à commettre des crapuleries, en fait, à chercher de l'argent là où, partout où il y en a. Et il dit donc aux gens qui l'entourent, les Juifs, il faut que vous alliez mettre la main sur un Juif pour moi, pour qu'on ait de l'argent. Il dit, les 30 personnes qui font partie du gang des barbares sont pas au courant de ce projet-là. Alors, vous avez bien cerné la... Mais lui, par contre, je reviens là-dessus. Il revendique vraiment son antisémitisme. C'est quelqu'un. Il a décidé de ne pas se défendre au procès parce que il assume totalement ses actes. Alors, j'en viens au procès justement. Donc, vous avez effectivement bien cerné la personnalité de Fofana. Vous avez écrit un livre hein, sur l'affaire. Vous avez assisté au procès jour après jour. Et quel souvenir vous en gardez là aujourd'hui? On ira un peu plus dans les détails après, mais quel souvenir vous en gardez? Ouais, je me souviens d'une ambiance qui était très lourde, parce qu'en plus c'est un procès qui n'était pas ouvert au public. Donc moi oui. J'attendais dans le couloir et je récoltais les émotions et impressions des uns et des autres. C'était très lourd l'ambiance dans la salle, dans cette espèce de huis clos. Et Fofana, d'emblée, assumant son crime et son antisémitisme, a choqué, si vous voulez, tout le monde. Et puis le fait de ne pas vouloir se défendre, c'était une grande frustration aussi pour... faut savoir que quand quelqu'un se défend pas, il parle pas. Et donc voilà, pour les parties civiles, pour les avocats qui étaient là, et même le reste du gang en question qui attendait des réponses, rien n'est venu. Fofana ne fait que revendiquer son antisémitisme, sinon les détails il les donne pas. Aujourd'hui, il y a encore deux personnes qui ont participé au rapt, dont on ne sait pas où elles sont. Il les a pas vendues. Et pourquoi il choisit ce système de défense, si je puis dire, c'est un système de non-défense? Parce que tout le monde parle de lui comme ça. Parce qu'il est, Youssouf Fofana, qui sert une cause, il s'est trouvé une cause, il s'invente une histoire comme ça. Pour exister, ce qui n'a pas. Pour exister. Ce qui n'était pas le cas dans son enfance. En symbole de cet antisémitisme bien particulier qui gangrène cette immense réserve à clichés que sont les banlieues. Quel est son profil intellectuel? Je pense qu'on peut parler d'un profil psychiatrique pour ce qui concerne Youssouf Fofana, mais on peut pas vraiment parler de profil intellectuel. Il a été reconnu coupable parce que conscient de ses actes, hein, Oui, absolument. D'accord. Mais il est quand même dans un schéma psychiatrique un peu particulier. C'est un type qui était une espèce de petite frappe bègue devenue criminelle complètement mégalomane. Tout se lie dans cet itinéraire bien particulier qui est le sien. C'est pas un garçon qui aurait lu énormément et se serait forgé un positionnement politique qui l'aurait conduit au crime qu'il a commis. Oui, il a répété des choses qu'il a entendues et qu'il a cru comprendre. Il s'est un peu vautré. Il a compris que son antisémitisme, ça faisait de lui un criminel hors norme. Tout ce qui est hors norme l'intéresse. Lui qui n'arrive pas à surgir et à exister en société. Donc à partir de là, il s'est un peu vautré dans ce discours. Mais qui préexistait. Évidemment, au départ, Youssouf Fofana a pour plan de voler les gens qui ont de l'argent. Et dans sa tête, les gens qui ont de l'argent sont les juifs. Donc voilà, c'est comme beaucoup de gens en France, ils croient à ce cliché, qui est un cliché antisémite. Oui, il est en prison aujourd'hui, bien sûr. Il est en prison aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on sait comment il se comporte? Il est à l'isolement complet. Je sais qu'il a rompu avec une partie de sa famille, enfin avec une grande partie de sa famille. Et il y a eu une histoire de téléphone portable, et puis une fois il a envoyé une vidéo sur internet, donc il a été inculpé pour ça, parce que vous savez qu'on peut pas normalement avoir de portable et surfer sur le net en prison, même si tous les prisonniers le font. Mais et donc il a été jugé pour ça. Je pense que là où il est, il savait de toute façon quand il a été jugé qu'il irait en prison et qu'il n'en sortirait plus. Ses complices, parlez-moi, pas tous, hein, évidemment. Ses complices. Alors, quels sont ceux qui vous ont marqué ou ceux dont l'histoire ou le positionnement dans cette affaire vous ont marqué ou sont marquantes? En fait, ce qui est assez particulier dans cette histoire, c'est que quand même 30 personnes ont été liées à ce crime d'une manière ou d'une autre, et que Fofana les tenait tous. Comme je vous le dis, ce sont pas des gens qui étaient au courant de par exemple, les appâts connaissaient pas nécessairement les geôliers connaissaient pas forcément les ravisseurs. En fait, Fofana a construit quelque chose avec des gens qu'il appelle des outils. Donc, ouais, tout est lié. Hein. Ce sont toutes ces personnes et ces outils qu'il sait recruter parce qu'il a le nez pour ça, à partir de leur misère en réalité. C'est-à-dire que ce sont tous des gens. Alors pour les appâts, vous en avez, je sais pas, 3 sur 4 qui ont fait des tentatives de suicide, qui sont dans des situations de vie où quoi qu'elles fassent, de toute façon, elles se moquent bien de ce qu'elles vont devenir. Donc c'est assez simple pour lui de les recruter. en leur promettant un petit billet. Et est-ce ça a généré des circonstances atténuantes pour ces accusés-là? Ils ont quand même été condamnés à certains délits de peine. Hein. On peut pas dire que ça a généré des circonstances atténuantes. Il y en a une pour qui la minorité a été une circonstance atténuante, mais bon, ça c'est la loi. Et sinon, non, on peut pas dire que ça a été considéré comme des circonstances atténuantes. Mais disons que ce sont des gens qui ont été jugés pour des complicités de crime et non pas pour le crime lui-même. C'est pour ça que je reviens donc à cette affaire d'antisémitisme. Le crime est un crime antisémite. Le gang est toutes ces personnes ne sont pas antisémites. Vous le disiez tout à l'heure, on devrait pas se dire comment l'avocat va faire pour le défendre, parce que c'est Robert Badinter qui dit que il s'agit pas d'aimer l'accusé, hein, il s'agit d'aimer défendre l'accusé. C'est tout à fait différent. Enfin, la question était quand même posée à maître Emmanuel Ludo, l'avocat de Fofana. On va écouter sa réponse. Notre client, M. Fofana, est encore un être humain. C'est pas le diable. Et si c'est le diable, eh bien, nous sommes les avocats du diable. Voilà. Et nous assumons cette fonction d'avocat du diable. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette définition. Oui, oui, en effet, voilà. Maître Ludo, j'en pense qu'il est courageux. Je pense qu'il est courageux et que, en effet, son travail de pénaliste, c'est effectivement de défendre même les gens indéfendables. Il nous reste une minute et demie. J'aimerais qu'on ait le dernier mot pour la famille de Ilan. Ses proches, vous les avez vus au procès, vous avez parlé avec eux? Non, alors, je les ai vus, je les voyais venir quasiment chaque jour. Enfin, ils tournaient, ils n'étaient pas tous présents lors du procès de première instance. J'ai pas eu de contact en particulier avec les parties civiles parce que leur avocat jugeait que c'était pas nécessaire. Je pense à cette famille qui a vécu vraiment des jours d'horreur. Faut savoir quand même que dans les tractations, vous évoquiez lors de votre récit plus de 700 appels téléphoniques. C'est jour et nuit avec le père d'Ilan Halimi qui était chargé de faire l'interface et donc de négocier avec les ravisseurs. Ça a été quand même, je pense, pour lui extrêmement douloureux. Et puis pour le coup, la gestion par la police de ces tractations en passant comme ça tout le temps par le père, c'était peut-être pas la meilleure des choses qui soit. Faut aussi savoir que le jour même de l'enterrement d'Ilan Halimi, Youssouf Fofana de Côte d'Ivoire téléphonait à la famille. Encore au père. À la famille d'Ilan Halimi, au père, à sa petite amie, au cousin. Il était très très énervé parce qu'il avait tout raté. Bien. Elsa Vigoureux, il me reste à vous remercier pour vos éclairages et votre connaissance du dossier. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire du gang des barbares, chez Flammarion. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le meurtre de Ilan Halimi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jeanne Maillère, Adrien Cara et Guillaume Malandras. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, comédien, Damien Prévost, Mathieu Coblins, Laure Grand-Besançon, Hélène Bisio. Réalisation, Hélène Bisio. Et Coyenne Guyenne à la technique aujourd'hui, Renaud Maël.